amis par intérim. Dans la rue de Faustine, il y a deux Nadine. La Nadine d'en haut et la Nadine d'en bas. Haute Nadine et basse Nadine. Comme dit papa, on s'exclaffon. Nadine d'en haut est fille unique, aussi brune que celle d'en bas est blonde. Faustine ne la voit pas en semaine parce qu'elle est en pension à Bruxelles pendant toute l'année scolaire. Elle a perdu sa maman quand elle était bébé et c'est sa grand-maman et son papa qui l'élèvent. Faustine trouve que son amie a beaucoup de chance. Elle est très gâtée, sans doute en compensation du manque d'affection maternelle. Non seulement elle a une chambre remplie de jouets, mais en plus une salle de danse avec miroir et barre d'échauffement. Les deux Nadine se fréquentent depuis l'école maternelle. Elles sont férues de danse classique. Contrairement à Faustine, elles ont vu L'âge heureux à la télévision. C'est un feuilleton qui raconte les aventures de Petit Rat de l'Opéra de Paris. Elles ne cessent d'en parler, d'imiter les danseuses. Ensemble, elles mettent au point de savantes chorégraphies. Nadine d'en haut fait bénéficier son homonyme des leçons coûteuses qu'elle reçoit à Bruxelles. Le souci de Faustine, l'histoire de sa vie en fait, c'est qu'elle est arrivée en dernier, comme un chien dans la soupe ou un cheveu dans un jeu de quilles. Appelez ça comme vous voulez. Elle a vite compris qu'une entente à trois sera impossible. Faustine est tolérée par haute Nadine lorsque basse Nadine s'est fâchée avec, et vice-versa. Heureusement, ça arrive assez souvent. Alors, Faustine est invitée par défaut, en tant que faire-valoir. Et peut s'essayer au ballet classique, chaussant les chaussons de l'absente. Comme elle est encore courtaude, les deux ballerines en herbe lui mettent facilement 10 cm, et aussi un peu rondouillarde, ses vaines tentatives d'envoler sur pointe, aïe, ça fait vachement mal, les pointes, sont plutôt comiques. Quant au tutu rose, on a vu des éléphants plus gracieux, déclare haute Nadine avec une moue de dédain. Après plusieurs tentatives avortées, Faustine, l'ego bien égratigné, retire ses chaussons, compense sa frustration en dévorant quelques gouffres confectionnés par la gentille grand-maman, puis s'en retourne chez elle, lire les aventures d'Arsène Lupin le monte en l'air. S'ensuit une période où les deux Nadine se réconcilient. Faustine se fait inviter chez Brigitte, qu'elle apprécie moins, mais avec laquelle elle passe des après-midi entiers à jouer à l'élastique sur des chansons de Joe Dassin, quand elle ne l'initie pas aux joies de la masturbation. Faustine est très douée à ce jeu-là. Elle aime beaucoup moins hurler en chœur « Elle m'a dit d'aller là-haut, siffler sur la colline. » Puis ses voisines se disputent de nouveau. Et la fillette redescend consoler basse Nadine en bon bouche-trou. Ça, c'est de maman cruelle qui a oublié qu'à 12 ans, la solitude est intolérable. Chez Nadine Norma, pas de dinette en porcelaine, pas de barre d'échauffement ni de maison de poupée. Grandeur nature. Par contre, ils ont 4 enfants. Mirez, la benjamine de 6 ans dont Stéphane est secrètement amoureux, Francis, le fils cadet, qui en a 10, Nadine, qui est dans la classe de Faustine, et Alain, qui a 2 ans de plus et fréquente déjà le lycée de Waterloo. Dans le jardin, devant leur maison, il y a un chariot, comme ceux qu'on voit dans les films sur la conquête de l'Ouest. Tenir les rênes, fouetter 6 chevaux blancs imaginaires, simuler un galop débridé, tomber dans l'embuscade des poux rouges, se réfugier sous le chariot, échapper aux flèches mortelles, attendre que la troupe arrive à la rescousse, ramper sous couvert d'un feu nourri jusqu'à l'abri de la maison, finir essoufflé dans la cuisine, plonger à 4, 6, 12 mains dans des cornets de frites brûlants. Certains moments d'enfance vous ont des allures de paradis. Les parents de basse Nadine projettent d'ouvrir une auberge. Quand ils se sont mariés, ils ont acheté cette maison une bouchée de pain. Il y a un immense parking devant et au rez-de-chaussée une salle assez grande qui permettra d'accueillir 100 de convives. En attendant d'avoir les moyens de réaliser leurs rêves et de se meubler, maman élève les 4 petits et papa travaille comme serveur au Tzineke, le plus fameux restaurant de moules frites de la capitale belge. Faustine a visité les pièces du haut. Les chambres sont minuscules et très sombres. Elle n'a pas vu de salle de bain, mais franchement, elle préfère nettement cette promiscuité chaleureuse à la solitude plombée de son amie orpheline. Plus bas dans la rue, juste à côté d'une maison où, paraît-il, les habitants ont la gale, encore un truc effrayant, il y a le Deleuze, supermarché, mini-marché, plutôt, géré par la Deleuzienne, telle que baptisée par papa. Faustine s'y précipite chaque fois qu'elle reçoit quelques francs. Samedi dernier, elle a aidé papa à désherber le jardin et ainsi gagné 10 pièces, avec en prime une leçon d'anatomie, vu que papa n'avait pas mis de slip sous son short trop court et qu'on y voyait tout. Avec son argent, elle a couru s'acheter un emballage de 10 minuscules plaques de chocolat Côte d'Or. On pourrait croire que Faustine n'est attirée que par la nourriture, mais ce serait injuste. Ce n'est vraiment pas sa faute si elle ne peut pas s'offrir autre chose. Il arrive que Faustine et Stéphane soient autorisés à monter une expédition. Munis d'une bouteille de sirop et de quelques gaufres, ils sont partis un après-midi à l'assaut d'un champ de maïs, avec Nadine, ses frères et sa sœur. C'est très amusant. On peut se cacher entre les pieds des céréales et parfois imaginer se perdre. Quelle peur délicieuse! Faustine a failli traverser tout le champ dans l'autre sens. C'est Alain qui l'a retrouvé et montré la bonne direction, non sans lui proposer au passage de l'embrasser sur la bouche. « Puisqu'on est seul et qu'on a le temps », a-t-il ajouté. « Non mais ça va pas, la tête, tu te prends pour qui ?» La fillette était outrée d'être confondue avec une de ces filles-là. Au retour, elle s'en est amèrement plainte à la maman du fautif, laquelle n'a pas pu s'empêcher de rire. « Que veux-tu, c'est plutôt un compliment, il ne fait que son boulot d'homme après tout. » Mais Faustine, encore désillusionnée suite à la trahison de Benoît, son premier grand amour, n'a pas l'intention de refaire confiance à un homme de sitôt. Elle n'a rien confié à maman, n'ayant pas du tout envie qu'on se moque encore d'elle. Pourtant, c'est difficile de ne pas pouvoir se raconter. Elle se sent souvent seule. Stéphane est trop petit, il ne comprend rien à rien. Quant aux parents, esclaves modernes, suroccupés, partant tôt, rentrant tard, ils n'ont tout simplement pas le temps d'être à son écoute.